toi. Ouais, ouais, je l'ai au bigo là, il récupère ses bagages, il arrive, frère, il va caille. Vas-y, ok, chacun. Bah, vas-y, moi je suis là, je vous attends. Je suis entre des cuisses là, laisse-moi arriver. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est la finale, des finales, évidemment que ça finit mal. Devine, personne attend le signal, ça part en live depuis. Un bail, c'est cuit, c'est die, des crises, des drames. Essuie tes larmes, c'est dard, aiguise tes larmes, larmes. J'crois ni au hasard, ni à l'âge, neige. Reste pas bloqué à l'âge, bête, j'passe pour un j'bête. On voit qui sont les lâches, tech, c'est la période des vaches, mec. C'est le crash test, trop de venin quand j'pérasse texte. Le rap c'est rien, sérieux, j'sais bien que j'ai mieux à faire. Malgré les liens que j'ai eu avec, j'compte plus après. Cherche plus à quête, cherche plus à faire. J'suis plus là, j'reste peinard, j'aide. C'est nas, même scénar, j'laisse peinard. Laissez-moi dans ma sieste, flemma. Comme pas d'eux, j'parle pas d'eux. Ce que j'connais pas, certaines choses ne regardent que moi. Compte pas sur moi pour glorifier le mal. Aquête à l'onatao, appris dans cette spirale infernale. Tous une place en enfer, man. Que Dieu nous en préserve. J'parle de ça quand nos petits frères partent en sucette. Fumer, buvette, si bête. Le pire, c'est qu'ils s'y baissent. Ils plissent les blesses, ils disent qu'ils baissent. La vie, mais c'est la leur qu'ils y laissent. Entre violence et lesbie, une pensée à tous ceux qui sont partis, reste in peace. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. Je raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. Je raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. M'accompagne dans mon vécu. Tu vois à quoi? La plupart c'est tout du cul. De rappeurs n'ont pas vu ce que j'ai vu. N'ont pas vécu le quart du quart de ce que j'ai vécu. Tout point de ma rue. La violence m'a voulu, m'a vu, m'a eu. Plus ma vue évolue. J'vois que ma vie révolue. J'comprends mieux ce que ma mère a voulu. Faire savoir les soirs elle m'en a voulu. Tout se résume pas des révolus. Voleur de vraie valeur, voyou, voleur. J'ai commencé à braquer avant d'entendre clair. J'ai même des graves de la coke avant d'y voir clair. Mon front de cap d'ardien posé par terre. A supplier le ciel de part en définitive. Notre passage probable en enfer. Courage aux frères qu'on enferme. Ceux qui dans l'honneur et dans la foi restent fermes. Quitte à prendre perpète à la barre slave. Le bénef est dans les couilles, les goûts, les cicatrices, la prière. Et pas dans l'artifice, la farine, la tchatche et la chatte. Baisse la baisse du d'achat, je à l'aise, ton cœur a de la cesse, c'est des schlags. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. J'raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. J'raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. On vient de là, on veut s'en sortir. Qui t'a sorti? Un brûlé qui est la cagoule noire à sortir. Mon rap est sorti, Aster, c'est le choix des armes pour s'en sortir. C'est sûr, ils vont la sentir. Si je tire, c'est pour m'en tirer. Et je te mentirai en disant que je suis pas dans le rap prêt pour m'en tirer. Moi, je viens de là où ça tire. Les cerveaux saturent, attache ta ceinture. Un œil ouvert pour l'ouverture. J'ai charré la voiture, le terrain comme couverture. Social, je vois la sauce sale pour mes sauces fiables. Je te dirai pas nique ta mère sur un commentaire. Mais non, nique ta mère, si tu sais pas comment taire. C'est pour mes raies qui ce n'est pas de rail. Ouais, c'est quoi le bail? On dit coup de paille sur un grave bail. Une bad part, une mère pleure. Ton cœur les mêmes peurs, car nos mères, frères, ont les mêmes pleurs. Le respect c'qu'un espère, donc on perd pas la main. Putain, perd frère, si t'aimes pas, nous serre pas la main. Inquiète-toi, on a d'avoir un mic. Y'a pas de paix sans guerre, frère, t'étonnes pas qu'on fasse mal au mic. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. J'raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. Résumé perdu, j'en deviens fou. Résumé, j'ai perdu un demain tout. Des fois de plus en plus flou, de plus en plus souffle. J'raconte ma vie à qui veut bien l'écouter. Akaï Caps, Junior, Diallo, Alou, Mamadou, ok. père, William, Willy Star, Tchoum, Captain Pro, Aux Empires, 9, 5, 9, 4, 9, 3, 2, 3.